Les habitants veulent coopérer. Une partie de plaisir. On n'a plus de problème pour écouler le produit. Et sinon, on fait ce qu'ils font à Beyrouth. On prend ces pauvres cons en otage. De Clamart, au Plessis, Robinson, que des tigres, ma gueule. Mon problème, le tiers optique, one ou less, ma NEH, NAS. Je manie l'art de la syntaxe. Je manie l'art de la syntaxe. Je manie l'art de la syntaxe. Je fais pas dans l'intox. Je fais payer la taxe à ceux qui veulent une dose comme un tox. Okay. Toujours sur l'axe, les moi je leur fais de la taille bande jusqu'à ce qu'ils admettent que c'est trop de speed comme la light. Je la crème comme Ox, psychopathe comme Zoxy. Demande à Coxel, bouge leur cul comme Foxy. Les oxydales s'excitent tellement qu'elles s'exilent, tellement qu'elles exigent ma présence en exil. C'est exact. Tu veux du sexe alors te vexe. À prétexte, parle, te laisse en extase. Toi t'es qu'une extase. Tu penses que j'exagère alors tu exagères. Mais c'est inexact, tu ferais mieux de check sec. Chez moi ça kick des chapitres, je m'applique. J'ai que ça à dire, ça rap, ça deal dans la street. Ça drague ou ça tire, au mac j'ai le style. Grave gros c'est la grève, écrit plus au moins fais de la voilà. Je reste dans mon trip, peut-être ça se fait pas. Bon fond je te fais flipper, fais tripler tout son trouble. Et ça passe comme un dream. On se place toute la nuit, on se place toute la vie. On se place tout le temps, tant pis pour tant de fois tout en petit. Car t'es loin, kick sec tranquillement. Sans que le montre, que le mauvais, que le mieux soit avec nous seulement. T'as l'écoute. Gros, je déballe la bête de débile. Pas de balle débile. Des rimes au poil et là tu t'épiles. Fuck tes faux gestes, enfoiré. On débarque, prends le mic pour faire mal, donc ne teste pas. Stop tes foutaises, enfoiré. Ma clip de ticker rentre dans le tas sans faire de détails. Fuck tes faux gestes, enfoiré. De Clamart au Plessis, Robinson, tu peux rafler façon bestiale. Stop tes foutaises, enfoiré. 8ème optique, one on Narcos, NEH et lèche-moi. Toujours au top trip, face sur le beat, ta petite se touche sur l'équipe. Toi tu craches sur ce fit kick à l'arrache ou en stud sur du mob deep deep. J'te rattrape si tu pas je t'ai vite quitte. C'est mieux que perdant en merdant comme toute leur politique. Ce qu'on évite c'est perdre son temps à terre. Non j'kick pour tous les détenus, les gens bien en même temps. J'kick pour du fric, j'kick les clics contre les flics. J'kick, j'suis là comme kicker, une menace pour vos sœurs peut-être. En nous offrant vos chats, nous vous ouvrira nos cœurs. Quand j'kick tous en cœur, quand j'kick tous en cœur. Négro c'est LEZMA. Si je kiffe c'est pour t'arracher le cœur. A la liste je m'ajoute, voilà un rap qui sort de la soute. 12 mesures, un beat old school. La basse qu'on restude, on bascule un parcours. Mille je remets dans le flow pour tout éliminer, intimider. Jamais plutôt du genre à militaire. À l'armitaire on t'écarte, question de crédibilité. Dans mon optique retiens le 8, c'est symbolique. Ça va une essence, on met le feu à tes enceintes. On danse pas avec les loups, mais animal est notre instinct. Vous pouvez nous acclamer de Clamart au Plessis. Les gyrophares nous illuminent, genre du son, les feux on grimine. Grise mais quand ça kick c'est qu'on dit c'est qui. J'rappe pas pour 10 sacs mais pour mes plats je les dis cassé. Fuck tes faux gestes, enfoiré. On débarque, prends le mic pour faire mal donc ne teste pas. Stop tes foutaises, enfoiré. Ma clip de ticker rentre dans le tas sans faire de détails. Fuck tes faux gestes, enfoiré. De Clamart au Plessis, Robinson, tu peux rafler façon bestiale. Stop tes foutaises, enfoiré. 8ème optique, one on Narcos, NEH et l'ESMA. Dans mon son, j'refais le monde à ma façon, du moins j'essaie. Chaque titre me fait pousser des ailes et des à chaque titre. Tu peux pousser du zen à chaque rime. Ça te gêne, mais c'est ça que j'aime. Pour faire pousser l'oseille, on s'active. Plus ou moins sale selon la tactique. Tout ça nous fatigue. Pour s'évader le temps d'un son, c'est pratique. Ça me laisse pile poil le temps de kicker. C'est fou, c'est magique. La façon dont sortent mes idées. Mes idées. Tout jeune, j'ai pris le mic, je n'ai pas hésité. Au départ, c'était pour le fun, c'est devenu une nécessité. Cherche pas, j'y suis destiné, je n'ai pas décidé. Je kick ma haine, t'as juste à tendre l'oreille. Je vais pas te la dessiner, non. Stupeur, qui est ce mystérieux personnage? Mister NEH kick dès son plus jeune âge. Allonge le prix en cash avant la prise d'otage. Si t'es pris au piège, tu finis plié en quatre. Moi je rappe comme je parle, donc en gros à l'arrache. Tout ton crew à l'arrache, quand on se trouve dans la place. NEH on le ballon, brasse le sol et le carrelage. Je marche avec l'entourage, pas copinage ni parrainage. Lyrics, marteau, butière aux prises vitres. Parole de kicker adressée aux suspects. Flow frisbee qui traumatise en frisbee. Avec mes complices depuis l'époque du studio 6-6. Fuck tes faux gestes, enfoiré. On débarque, prends le mic pour faire mal, donc ne teste pas. Stop tes foutaises, enfoiré. Ma clip de ticker rentre dans le tas sans faire de détails. Fuck tes faux gestes, enfoiré. De Clamart au Plessis, Robinson, tu peux rafler façon bestiale. Stop tes foutaises, enfoiré. 8ème optique, one on a.